check le hip-hop loula du 9-3, là où la vie est speed et tout le monde roule à 100 à l'heure. Yeah. Busta dans la place, pousse la barre. Yeah. Passe le mic, ou passe la pétard. Yeah. Bouge de là. Check mon hip-hop loula. Yo, toc, qui est là? Le son qui flex la beurre. Renoir, c'est franc, Rogo, la soeur qui fume de la beurre. AMC ici assis sur le MIC, même si tu peux pas me voir MC. You can see when I can see. Ma technique de frappe au microphone à go qui rit pas. Ne rit pas. Si je prends la scène d'assaut, ne flippe pas. MC cherche pas la bataille. Dans Doc, si je mets la pression. Élection du MC, boss sac, se flex, flex, conflexion. Les titans débutants qui butent les bidons à bout portant. Que la foutre ça passe, surtout en moi, c'est pas important. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. C'est le fond de poste à flex, les mecs, je sais que t'attrapes l'air. J'en place une pour Zizi, Jimmy, pour qu'on le chère, le feu chère. Cracher la note, on veut pas que te chère. Aujourd'hui, pas de plus de teuter, on fait la teufée. Cache pas tout refait, s'te plaît, arrêtez de faire pleuver. Poste à pour Orgemont, et punaise sur scène. Le 9-3 dans la place, scène, scène, star. Ambiance malsaine, bouge de là, bouge ton cul de là. Et check mon hip-hop loula. Yeah. Poste dans la place, pousse la barre. Yeah. Passe le mic, ou passe la pétard. Yeah. Bouge de là, check mon hip-hop loula. Yeah. Poste dans la place, pousse la barre. Yeah. Passe le mic, ou passe la pétard. Yeah. Bouge de là, check mon hip-hop loula. Hey yo, si Paris a le blues, yo, ma banlieue a le hip-hop. Des bandes pour bebop loula. Et suce-moi, comme un push-pop. Pour tous les MC qui se croient au top. Débarque à 30 en soirée et rentre chez eux en autostop. Le pora ne s'arrête pas qu'on t'aime, même si c'est ce que t'aimes. Danse-moi une fois sur deux les gauches, ce sera ton baptême. Sinon c'est triple S sur la temple, toi sur la gâchette. Achète-toi une tête ou va chez toi, prends une tête et bois la santé. Le flex baba les poux du MICROPHON. Je dégaine, je peine. L'utilisateur de la sodomie verbale comme cool et SHN. Ouais, pour 9-8 sur le 8, comme again. Si c'est trop fort pour toi, j'ai là. Ou check mon hip-hop loula. Yeah, Poste dans la place, pousse la barre. Yeah, passe le mic ou passe la pétard. Yeah. Bouge de là, check mon hip-hop loula. Yeah, Poste dans la place, pousse la barre. Yeah, passe le mic ou passe la pétard. Yeah. Bouge de là, check mon hip-hop loula. Check le hip-hop loula. Du 9-3 là où la vie est speed, tout le monde roule là. Sans l'heure avant que t'aies capté l'odeur de quoi que ce soit. De nocif ou trop dangereux pour toi. Desserre les fesses, laisse flex. Occupe de ton cas au chaos, le chaos très peur. Laisse sortir de la vapeur. Je kick avec mes nice. Nikes, nique avec le mic et tu le sais. Mais tu préfères jouer à la mauvaise foi et c'est nul, c'est nah. Surtout que t'as rien à gagner, mais c'est comme ça et du gars. Ne plus maintenant qu'à te laisse plus l'occasion. Bouge ton bassin comme si tu faisais du hula hoop. Et check mon hip hop loula. Check le hip-hop loula. Le funky flex d'abord. Augmente.